Hassan II avait la baraka, chacun au Maroc le savait. Dans les années 60, le jeune souverain chérifien avait échappé à un premier complot. Puis, au tout début des années 70, à Skirat, il était sorti sain et sauf d'un véritable massacre perpétré par une unité d'élite des forces armées royales. Un carnage effectué parmi les invités qui se pressaient lors de la somptueuse réception donnée à l'occasion de son anniversaire. Alors le roi, qui en un sens avait fait preuve d'un remarquable sang-froid, était-il intouchable? Et les Marocains les plus pieux de se rappeler que le souverain était aussi le commandeur des croyants, c'est-à-dire un lointain descendant du prophète Mahomet. Bref, un personnage quasi sacré. Après Skirat, Hassan II avait ordonné une impitoyable répression, mais aussi une timide ouverture politique. Son trône semblait sauvé, mais pourtant, 13 mois plus tard, de nouveaux conjurés vont tenter de se débarrasser physiquement du souverain marocain. Pourtant, là encore, de façon presque miraculeuse, Hassan II allait s'en sortir vivant. Cependant, ce troisième complot n'a peut-être pas livré tous ses secrets. On en a eu la preuve au début des années 2000, lorsque le premier ministre de son successeur, Mohamed VI, nommé à ce poste par Hassan II à la fin de son règne, a été soupçonné d'avoir pris part à une conjuration d'où émergeait la figure inquiétante du général Oufkir, l'assassin présumé de Ben Barka, condamné en France par contumace aux travaux forcés à perpétuité. Retour avec M. X sur ces fantômes du passé qui n'ont sans doute pas fini de hanter les palais marocains. Rendez-vous avec X. Je voudrais d'abord vous rappeler ce que je vous disais à la fin de notre dernier entretien. Cette scène assez hallucinante Ce ros de roi, Mohamed, Oufkir, pourtant nanti des pleins pouvoirs, a été obligé d'assister en personne à l'exécution de 10 officiers supérieurs censés avoir été mêlés au complot de Skirat. Ouais, et parmi ces hommes condamnés sans procès, il y avait des amis personnels du général Oufkir. Alors, on est obligé de se demander quelle était la vraie signification de cet oukase royal. En forçant Oufkir à assister à la mort de ses amis, Hassan II voulait-il lui adresser un terrible avertissement ? Ou bien désirait-il lui faire comprendre qu'il le soupçonnait d'avoir eu partie liée avec ses conjurés ? Pourtant, d'après le récit que vous avez fait de la tragédie de Skirat, il semble bien qu'Oufkir a sauvé la vie du roi. Apparemment, oui. Mais le doute subsiste. Le général n'a-t-il pas agi ainsi quand il a pris conscience de la sauvagerie des insurgés et de l'impréparation de leur plan ? Ou bien n'a-t-il pas cyniquement laissé tomber ses complices, des rivaux potentiels, que pour mieux réussir le coup suivant ? Seulement un an et un mois après Skirat. Ce qui voudrait dire, si je vous ai bien compris, que déjà le général Oufkir pensait à attenter à la vie du roi Hassan II. Cela me semble probable, en tout cas. Il apparaît certain qu'il a été réellement affecté par les exécutions de ses amis. On a même vu cet homme inflexible et impitoyable pleurer. Oufkir, qui était pourtant précédé par une solide réputation de tortionnaire. Oui, mais que voulez-vous, même les bourreaux ont des états d'âme. Alors la suite. En dépit des soupçons qui pesaient peut-être sur lui, Oufkir hérite de pouvoirs considérables après le putsch raté de Skirat. Il est alors ministre de la Défense et chef d'état-major général de l'armée. Et avant Skirat, il était déjà ministre de l'Intérieur. Un portefeuille que le roi s'est personnellement octroyé après le putsch. Faut-il y voir un signe de défiance ? Sans doute, car le nouveau patron de la Sûreté nationale, Ahmed Limi, ne rend désormais de compte qu'au seul souverain. Limi, l'autre acteur de l'affaire Belmarca. Qui sera emprisonné en France avant d'être acquitté en 1967, oui. Et qui connaîtra ensuite une ascension fulgurante. Mais on reparlera de lui et de sa mort mystérieuse au début des années 80. En attendant, il faut observer que si Limi a la haute main sur les services de police, les unités spéciales du ministère de l'Intérieur demeurent subordonnées à Oufkir. Enfin, je poursuis. Hassan II, s'il a sauvé sa vie à Skirat, sait qu'il doit envoyer quelques signes à son peuple. Ouais. Une ouverture politique ? Enfin, oui, mais bien timoré. En fait, il annonce quelques mesures sociales, saupoudrées d'augmentation de salaire ici et là. Et il se choisit un nouveau Premier ministre, un important homme d'affaires auquel on ne connaît pas d'attache politique et qui constitue un gouvernement de technocrates. Ouais, mais fondamentalement, rien ne change. Alors qu'il existait dans le pays de réels espoirs de changement. Et d'abord dans la façon de gouverner du monarque. Mais non, Hassan II n'entend pas abandonner une once de pouvoir. En outre, et c'est un aspect essentiel de son caractère, Hassan II est persuadé d'avoir toujours raison. Il n'a donc pas compris. Et ce faisant, il s'expose à devoir affronter un nouveau coup de force. Enfin, n'allons pas trop vite. Cependant, il va se montrer relativement clément à l'égard des cadets qui ont été le fer de lance du putsch de Skirat, qui a, entre parenthèses, causé la mort de 200 personnes. En février 1972, ces centaines de jeunes gens comparaissent devant un tribunal militaire. 8 mois après les fêtes. C'est ça. Sur un peu plus de 1000 cadets et de cadres, seulement 74 cadres sont condamnés à des peines allant de 1 an à la perpétuité. Et il y a un seul condamné à mort, le colonel Ababou. Oui, le chef de cette école des cadets. Qui a été, avec le général Medbou, l'âme du complot. Quant aux autres cadets, ils sont tous acquittés. Alors que nombre d'entre eux avaient du sang sur les mains. Alors pourquoi cette clémence-là ? Il serait tentant d'y voir la main d'Oufkir, qui voulait se concilier la faveur de l'armée. Ouais, dont il aurait besoin plus tard. Pour réussir son propre putsch. Oui, il y a certainement de ça, mais je voudrais nuancer, car si effectivement, les cadets n'ont pas été lourdement frappés dans le même temps. Le roi a donné l'ordre d'aménager le terrible bagne clandestin de Tazmamar. Ouais, ça, c'est une caserne du sud marocain. Située dans le désert. C'est dans ce véritable mouroir que seront enfermés en toute illégalité nombre d'ennemis du pouvoir et bien sûr les militaires accusés d'avoir participé au complot de Skirat. Alors, avançons. Il ne fait pratiquement aucun doute que dès l'échec du putsch de Skerrat, Oufkir a décidé de jouer sa propre partition. Mais attendez, que cherche-t-il vraiment, là ? Éliminer physiquement Hassan II ? C'est certain. D'accord, mais pourquoi ? Enfin, le principal putschiste de Skerrat, le général Menbou, lui, était scandalisé par la corruption du régime, et Oufkir ? Ah ben ça est moins sûr, parce que le général lui-même est l'un des bénéficiaires de ce pouvoir perverti qui permet à ses élites de vivre dans un luxe scandaleux. Mais ils se rendent peut-être compte qu'en perpétuant cette corruption, le pouvoir risque d'être balayé par la rue en dépit de la vénération religieuse que voue le peuple à la personne du roi. Autre point essentiel, Mohamed Oufkir n'a certainement pas pardonné à Hassan II d'avoir fait exécuter des généraux amis dont certains ne s'étaient nullement compromis avec les putschistes. Ouais, alors la vengeance au nom du sang versé. Enfin, il ne faut pas exclure la soif du pouvoir qui aurait pu saisir le général Oufkir. À devenir roi à la place du roi. Ou en tout cas numéro un du Maroc, à l'image d'un Nasser ou d'un Kadhafi. Mais je n'en sais pas plus, car Oufkir n'a jamais rien confié de ses réelles ambitions. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, Oufkir, tout de suite après l'échec de Skerrat, s'est mis en tête d'organiser un complot. J'en veux pour preuve la protection qu'il a accordée à un officier supérieur, pourtant dénoncé par ses pairs comme étant le complice des conjurés. C'est qui celui-là ? Le colonel Mohamed Amokran, commandant de la base aérienne de Kenitra. À la suite du putsch, Oufkir l'interroge personnellement et longuement. Et Amokran peut alors craindre le pire étant donné la réputation du général. Effectivement. Mais contre toute attente, Oufkir lui rend la liberté. Désormais, le colonel reconnaissant devient l'un de ses affidés, et même l'un de ses proches. Et vous allez comprendre pourquoi. Amokran est commandant d'une base aérienne. Or, Oufkir songe déjà à un attentat dans les airs. Le sabotage d'un avion ? Ou d'un hélicoptère à bord duquel le roi aurait pris place. Et ici, quitte à bousculer la chronologie, doit faire état d'un curieux incident. En mai 1972, Hassan II séjourne à Agadir, sur la côte atlantique, où doit avoir lieu une importante rencontre avec une délégation algérienne. Sans doute au sujet de la question saharienne. Que le général Oufkir voudrait résoudre à tout prix. Il se trouve lui-même à Rabat lorsqu'il reçoit un appel pressant de Hassan II. Le roi l'attend à déjeuner sous une tente plantée dans une clairière à l'écart d'Agadir. Et Oufkir obtempère. Il part en hélicoptère. On a désigné au pilote très précisément l'endroit où il doit atterrir, près de la maison d'un garde forestier. Mais lorsque l'appareil s'approche du sol, il soulève une vraie bourrasque de sable. C'est si important que le pilote perd le contrôle de son hélicoptère. L'une des ailes du rotor heurte la cheminée de la maison voisine. L'hélicoptère s'écrase et prend feu. C'est à grand-peine que le général et l'un des passagers réussissent à s'extraire de la cabine. Ils sont donc saufs. Mais Oufkir est assez sérieusement blessé. Oufkir qui a aussitôt le sentiment qu'on a voulu se débarrasser de lui. C'est le roi. Il en est convaincu. Ça ressemble pourtant à un vrai accident, non ? Certes, mais Oufkir a toujours été persuadé que le sable de la clairière avait été volontairement transporté là depuis la plage voisine. Pour lui, c'était donc un attentat. Il le confiera à quelques proches. Et il y repensera quand à son tour, il imaginera tuer le roi. Oui, mais ce projet sera abandonné car le général et ceux qui vont être ses complices ont imaginé un meilleur scénario. Inter, Patrick Pénaud a rendez-vous avec X. Au lendemain du putsch de Skerrat, le roi du Maroc fait appel à la France pour assurer sa sécurité. Le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas lui envoie Raymond Sassia, qui a été l'un des gardes du corps du général de Gaulle. Dans le livre d'Ignace Dal, Hassan II entre tradition et absolutisme, Sassia parle ainsi. Après le premier coup d'État, Hassan II m'est apparu comme un homme sûr de lui qui voulait reprendre les choses en main. Il pensait surtout à former une élite qui assurerait sa sécurité, celle de la famille royale et la pérennité de la dynastie alaouite. Il s'est tourné vers la France parce que l'armée et les services de sécurité l'avaient trahi. Et dans un autre passage, Raymond Sassia donne encore ce témoignage assez étonnant. « Je n'ai jamais parlé de la corruption au roi, sauf une fois où je lui ai dit « En France, on dit qu'il y a trop de corrompus autour de vous. » Il m'a répondu « Je préfère les avoir autour de moi. Je sais très bien qu'ils veulent 10 ou 20% sur les affaires auxquelles ils touchent, mais je préfère ça plutôt que de les voir manigancer des complots. » Un nouveau scénario pour attenter à la vie du roi, avez-vous dit quoi exactement ? Il faut d'abord que je vous dise que le général Oufkir s'est ouvert de ses projets à ce colonel Amokran, qui est dès lors l'un de ses proches. Il faut qu'il ait confiance. Oui, mais cet Amokran est de plus en plus inquiet. Quoi ? Il a peur ? C'est ce qui apparaît. Et atteint d'une grave maladie rénale, il ne tarde pas à se faire soigner en France. Il y restera jusqu'à la mi-juillet 1972. Attendez, il est vraiment malade ? Incontestablement, même si ça doit l'arranger de ne pas être au Maroc alors qu'Oufkir est en train d'ourdir son complot et de peaufiner son plan. Le général n'entend donc pas jouer tout seul ? Oui, il vise un assez large rassemblement de conjurés, au risque d'ailleurs qu'il y ait des fuites. Il prend donc des contacts avec l'opposition. Le chef historique du parti Istiklal, Alal El Fassi. Oui, c'est le chef du parti nationaliste. Puis il organise une série de rendez-vous secrets au Maroc ou à l'étranger. Personnellement, il s'entretient avec quelques membres de la direction du parti socialiste qui s'appelle l'Union nationale des forces populaires. C'était le parti de Ben Barka. Et ses dirigeants n'ignorent pas le rôle qu'a joué Oufkir dans la disparition de leur leader. Mais on reviendra sur le coup de théâtre qui a éclaté quand on a découvert, bien plus tard, cette alliance secrète et contre nature. Autre prise de contact avec un personnage légendaire, Mohamed Basri, alias Fkei, c'est-à-dire le savant. Ce chef de la branche armée de l'Istiklal a déjà été condamné 3 fois à mort par contumace et vit en exil en France. Mais Oufkir, condamné aussi par contumace, mais en France, ne veut pas se rendre dans notre pays. Aussi, c'est le colonel Amokran, hospitalisé à l'hôpital Necker de Paris, qui le reçoit et qui obtient son soutien, au moins moral. Et pourtant, Oufkir a été un ennemi de toujours de cet opposant de gauche perpétuelle. Le ralliement de Basri impressionne tellement Amokran que ce dernier décide enfin de revenir au Maroc. En juillet 1972, avez-vous dit, c'est-à-dire très peu de temps avant que les comploteurs ne passent à l'action. Et il est à peine rentré qu'il bénéficie d'une promotion très intéressante pour la suite. Il est nommé chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. Alors, le scénario, me demandiez-vous, le voici. Au début du mois d'août, Hassan II doit se rendre en France où il possède un château. Le Boeing royal sera attaqué en plein ciel lors du retour du roi. Mais au-dessus du territoire marocain. Naturellement. Étant donné ses nouvelles fonctions, le colonel Amokran est chargé de préparer un plan en liaison avec le commandant de la base aérienne de Kenitra, un certain Kouera. Et lui aussi est donc du complot. Il est même prévu que c'est lui qui abattra le Boeing 727 à bord d'un chasseur-bombardier. Mais à la réflexion, Oufkir et Amokran décident que c'est toute une escadrille de 6 Northrop F-5 qui prendra l'air. Seuls 3 de ces chasseurs biréacteurs équipés de mitrailleuses seront armés. Celui du commandant Kouera et 2 autres pilotés par des hommes sûrs. Mis dans le secret, donc. Mais vous avez parlé de 6 avions. Les 3 autres ne serviront qu'à donner l'apparence d'une escorte aérienne volant en formation. C'est-à-dire que leurs pilotes décolleront sans connaître leur véritable mission et celle de leurs compagnons. Exactement. Amokran est bien placé pour savoir quand Hassan II va effectuer son vol de retour. Amokran, en tant que numéro 2 de l'aviation militaire marocaine, va donc jouer un rôle central. Oui, parce qu'il a normalement connaissance du plan de vol du Boeing fixé au 16 août 1972. Dès qu'il le sait, il prend quelques dispositions. Il veille, par exemple, à demander aux aviateurs américains qui utilisent l'aérodrome de Kenitra de laisser place libre ce jour-là. Puis il avertit tout le personnel de la base, officiers, sous-officiers. Une mission exceptionnelle exigera leur présence le 16 août à partir de l'heure du déjeuner. Mais il n'en dit pas plus. En effet, ce jour-là, Hassan II se prépare donc à revenir chez lui avec sa suite. Détail, Il est de très mauvaise humeur. Avant de rentrer, il aurait voulu visionner le film d'Yves Boisset, L'Attentat, inspiré de l'affaire Ben Barka. Il lui a été opposé un refus poli, mais ferme. Oui, ça se comprend. Et qui compose la suite du roi ? Ils sont une douzaine. Il y a son frère, Moulay Abdallah, Ahmed Glimi, le chef des services de sécurité marocains, un cousin, quelques médecins, des policiers, son aide de camp, son secrétaire particulier et un Français, Raymond Sassia. C'est l'ancien gorille du général de Gaulle. Lui-même. Depuis Skerat, il veille sur la protection du roi. Et notez un petit incident curieux qui est passé presque inaperçu, mais pas du roi, qui saura s'en souvenir lorsqu'il le faudra. Glimi, au moment d'embarquer, affirme qu'il a une affaire urgente à régler à Paris. Ah oui, alors il ne veut pas monter dans l'avion. C'est ça. Mais Hassan II ne veut rien savoir. Et le chef de la police est bien obligé de monter à bord. Ouais. Et l'équipage ? Le pilote du Boeing est un ancien capitaine de l'armée de l'air formé à Paris, Mohamed Gabaj. Un type très compétent. Le plan de vol prévoit une escale à Barcelone. Avant de redécoller, Kabadj demande à la tour de contrôle de Rabat Salé l'autorisation de passer à la verticale de Tétouan plutôt qu'à celle de Tanger. Pourquoi ça ? Sans doute parce que c'est plus rapide. Le vol va ainsi être raccourci de 8 minutes. 8 minutes qui vont prendre une importance démesurée. Ah oui, parce que ça va bouleverser les plans des conjurés ? Forcément. Oui. Mais alors, dans ces conditions, ils auraient pu remettre l'opération ? Eh bien non. Tandis que les 6 chasseurs décollent de Kenitra, Amokran ordonne à l'officier de garde d'interdire l'accès à la base et de suspendre toutes les communications téléphoniques. À 16h15, les appareils rejoignent leur cible. Kouera ordonne aux pilotes des avions non armés de dégager. Puis le premier, il ouvre le feu sur le Boeing Royal, mais sa mitrailleuse s'enraye. Le deuxième pilote prend aussitôt le relais et fait mouche. Il atteint le Boeing. Oui, au niveau d'un des 3 réacteurs. Avec quelle conséquence alors ? L'appareil qui vole à 3000 mètres d'altitude décroche et perd d'un seul coup 1000 mètres. Mais son pilote parvient à le stabiliser tandis que d'autres tirs frappent la carlingue. Et que se passe-t-il à l'intérieur ? Inutile de vous dire que les passagers sont sérieusement secoués. 2 policiers ont été tués. Sassia et le secrétaire particulier sont blessés. Mais le roi est indemne. Les masques à oxygène sont tombés et malgré la gravité de la situation, le calme règne à bord. Et l'extérieur, alors ? Un autre chasseur tire en direction du Boeing, mais le pilote, mauvais tireur, rate sa cible. Alors celui qui a déjà touché l'avion revient à la charge et frappe un deuxième réacteur. L'appareil est à nouveau violemment déstabilisé. Ça devient très périlleux, non ? Tout à fait. Et le commandant de bord a fort à faire pour maîtriser son avion. Dans la cabine, il a été rejoint par le roi, qui a posé les mains sur ses épaules. Quoi, pour le rassurer ? Et encore une fois, alors, il faut observer le sang-froid de Hassan II. On ne peut pas lui retirer ça, oui. Il est même tellement sûr de lui qu'il ordonne au pilote d'envoyer un message d'alerte mensonger à la tour de contrôle de Rabat afin d'indiquer que le roi a été grièvement atteint. Ah, c'est un message en réalité destiné aux attaquants. Afin de les inciter à décrocher. Ouais, et pour le pilote du Boeing de tenter d'atteindre la piste la plus proche sans subir de nouveaux tirs. Évidemment, car le Boeing est déjà en grand danger. Des circuits hydrauliques ont été perforés et l'avion laisse échapper un panache de fumée. Est-ce que le message du pilote, le message mensonger, a réussi à tromper les pilotes des chasseurs ? Sauf un, le commandant Kouera. Lui, il est décidé à jouer le tout pour le tout. Et c'est-à-dire ? Comme son arme est enrayée, il est prêt à tenter une action kamikaze en précipitant son appareil contre le Boeing. C'est assez hallucinant. Oui, cet aviateur est un fanatique. Il va être à 2 doigts de réussir. Son chasseur frôle le ventre du Boeing. Il doit même le toucher, car dans la manœuvre, Kouera endommage son propre appareil et peu après, il est obligé de s'éjecter. Et le Boeing Avant de décrocher, les mutins lui ont ordonné de se poser à Kenitra. Ah, c'est la base des rebelles, ça. Aussi, le commandant de bord essaie de rallier tant bien que mal l'aérodrome de Rabat. Et malgré l'état catastrophique de son avion, il réussit à se poser de justesse en bout de piste à 16h50. Hassan II lui doit la vie. Mais tout danger n'est pas encore écarté. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Enquêteur scrupuleux, Stephen Smith a relaté de façon précise l'attentat dont a été victime Hassan II ce 16 août 1972 dans son livre « Oufkir, un destin marocain ». Dans cet extrait, il évoque les minutes qui ont suivi l'atterrissage du Boeing Royal. L'équipage, qui a fait preuve d'un extraordinaire sang-froid, déploie les glissoires de secours. L'avion est évacué. Hassan II, à peine décoiffé, passe en revue le détachement d'honneur au bas de charge. Lémy, à ses côtés, il arrive au salon d'honneur où l'attendent le gouvernement, le corps diplomatique, les officiers de l'état-major, des notables et des parents. Tous sont ahuris. Mais personne n'a encore vraiment compris ce qui vient de se passer. À l'entrée du pavillon, le roi tombe sur Hassan Lioussi, le chef d'état-major général de l'armée de l'air. Lémy dégaine son pistolet, veut l'abattre sur le champ. Hassan II le retient. Et vous avez parlé du danger qui persistait. Oui, car les chasseurs des mutins n'ont pas encore regagné leur base. Ils passent même en rase-motte au-dessus du pavillon d'honneur de l'aérodrome. Ils auraient pu tirer ? Tout à fait. D'ailleurs, ils ont effectivement mitraillé le cortège automobile du roi qui était en train de se former, ce qui a décidé Hassan II à s'éloigner à pied et emprunter ensuite la voiture d'un fonctionnaire de l'aéroport pour rejoindre sa résidence d'été de Skirat, à une trentaine de kilomètres. Cependant, mais il ne le savait pas encore, il avait aussi échappé à un autre danger. Oufkir avait prépositionné en bout de piste une brigade de blindés légers. Et de la tour de contrôle où il avait établi son QG, il aurait très bien pu donner l'ordre de tirer sur le pavillon d'honneur. Oui, où le roi aurait été vraisemblablement tué. Hein. Oui, sans nul doute. Alors, mais pourquoi Oufkir n'a-t-il pas donné cet ordre ? À mon avis, il se trouve alors devant un dilemme. Ou bien il décide d'attaquer le pavillon, mais il va provoquer un véritable bain de sang, ce qui oblitérera son ambition d'être accepté comme un successeur d'Hassan. À cause du sang versé ? Oui. Et deuxième terme de ce dilemme, il peut sur le champ organiser un contre-putsch et du même coup effacer toutes les traces de sa propre culpabilité en liquidant au passage tous ses complices. Ah, pour les empêcher de parler. C'est évident. Et on le sait, Oufkir n'avait jamais eu peur de se salir les mains. Et pourtant là, il a hésité. Alors qu'il semblait avoir choisi la deuxième solution en demandant par exemple à son adjoint d'investir Kenitra et de réduire l'insurrection. Ou encore en ordonnant à un autre de ses subordonnés d'aller liquider les 6 pilotes. Mais soudain, quelque chose s'est brisé en lui. Il est rentré chez lui, vers 21h30. Il a pris un bain, puis brûlé des documents. Et à 23h30, avec son chauffeur et son garde du corps, il s'est dirigé vers Skirat. Alors qu'il ne pouvait ignorer que le roi le considérait déjà comme l'organisateur du coup. Bien sûr. Parce qu'en tant que ministre de la Défense, il aurait dû se précipiter au devant du roi dès l'atterrissage de celui-ci, d'autant qu'il se trouvait dans la tour de contrôle. Alors, que cherche-t-il en se rendant chez Hassan II ? Le pardon ? Non. Non, il sait que le roi n'est pas homme à pardonner. Alors je pense qu'il veut mourir en beauté devant son roi. Ce qui va se passer ? Comment ? On ne sait pas exactement. Il va mourir criblé de 5 balles. Le roi lui-même ? Non, plutôt de Lémy qui était présent. Ce qui en tout cas rend parfaitement ridicule la thèse du suicide qui sera officiellement évoquée plus tard. Oufkir, chef des armées, aurait vécu comme une humiliation personnelle la trahison des militaires mutins. Mais cette version fera long feu. Dès le 18 août, le ministre de l'Intérieur, par intérim, donne une conférence de presse. Le général Oufkir est présenté comme le vrai responsable de l'attentat. Et il aurait tiré les conclusions de sa conduite en se suicidant. Un suicide de trahison, dit ce ministre. Oui, avec 5 balles. Mais parce que, alors, on persiste quand même à prétendre qu'Oufkir s'est donné la mort. Bien sûr. C'était quand même difficile de reconnaître que le général avait été abattu devant le roi. Ce même roi qui, 2 jours plus tard, va prononcer une allocution télévisée véhémente. C'est-à-dire ? Hassan II, qui ne prononce pas une seule fois le nom d'Oufkir, déclare que Dieu l'a placé sur le trône pour sauvegarder la monarchie. Au nom du rite malékite, une branche du sunnisme majoritaire dans le Maghreb, il ne faut pas hésiter, dit-il, à faire périr le tiers de la population habitée par des idées néfastes pour préserver les deux tiers de la population saine. Et c'est la porte ouverte à tous les excès totalitaires. En effet. Et la suite immédiate du règne va en donner une illustration parfaite. Des opposants vont être arrêtés arbitrairement et envoyés au bagne secret de Tazmamar quand ils ne disparaîtront pas purement et simplement. J'oubliais, le roi a conclu son discours en annonçant qu'il ne lui faudrait plus accorder sa confiance à qui que ce soit. Eh ben, ce qui va être le cas ? Oui, car c'est seulement à la fin de son règne que Hassan II tentera une ouverture politique. Et en attendant, il a gouverné en monarque quasi absolu et vengeur. On en a une première preuve avec la répression qui suit cette deuxième tentative de putsch. Attendez, y a-t-il eu un procès ? Ah oui, en novembre 1972. On a appelé ça le procès des aviateurs. 11 condamnations à mort sont prononcées. Figurent parmi ces condamnés le colonel Amokran et le commandant Kouera. Mais il y aura aussi 32 peines de 20 à 3 ans de prison. Les autres, plus de 150, sont acquittés. D'accord, mais les juges ont eu plutôt la main lourde. Ah, mais ça n'a pas suffi à apaiser la soif de vengeance du roi. Une nuit du mois d'août 1973, Hassan II, mécontent de la clémence des verdicts rendus, a ordonné l'enlèvement d'une soixantaine de ses militaires soupçonnés d'avoir pris part au putsch. Et ces hommes ont été immédiatement envoyés au bagne de Tazmamar, où plus de la moitié y mourront dans des conditions atroces. Autre manifestation de la terrible vengeance du roi. Le sort réservé à la famille du général Oufkir. Une famille qui n'était pourtant en rien responsable des actes du général. Ah, peu importe pour Hassan II. Tous portent désormais un nom exécré. Il faut donc les condamner au silence, faire comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est d'autant plus troublant que tous faisaient partie des privilégiés du régime et qu'ils étaient très liés avec les membres de la famille royale. Ouais. Alors précisément, que leur est-il arrivé ? Les Oufkir sont d'abord assignés à résidence. Mais soudain, fin décembre 1972, la veuve d'Oufkir et ses 6 enfants sont arrêtés. Ils ont quel âge ? L'aîné a 19 ans, le dernier 3 ans. Tous vont littéralement disparaître. Ils sont emmurés dans un bagne souterrain au fin fond du désert marocain. Un lieu secret que seul leur geôlier connaît. Et je ne vous parle pas de leurs conditions de détention. Manque de nourriture, d'hygiène et de soins médicaux. Et leurs seuls visiteurs sont des scorpions, des serpents ou des rats. En 1987, toutefois, 4 enfants d'Oufkir parviennent à s'évader après avoir creusé un tunnel sous terre de leurs mains nues. Ils rejoignent l'Espagne, puis la France. Et je me souviens, ils révèlent leur calvaire. Alors, conséquence ? Le pouvoir est obligé d'adoucir leur sort. La famille Oufkir est désormais assignée à résidence, surveillée dans une villa de Marrakech, tandis que la France remet les fuyards au Maroc. Ah, c'est assez étonnant, ça. Peut-être, mais il faut avant tout garder de bonnes relations avec Rabat. Ensuite, il faudra attendre 1991 pour que les Oufkir soient officiellement libérés. Sans passeport, cependant. Et ce n'est qu'en 1996 que 3 membres de la famille parviennent à s'échapper du pays et à gagner la France. Oui, je me souviens où la fille aînée publiera un livre assez retentissant. Hein. Et Malika sera suivie par son frère Raouf, qui voudra défendre la mémoire de son père. C'est à peu près à ce moment que se produira le coup de théâtre que je vous annonçais plus haut. Hassan II est alors mort. Mais avant de disparaître, il a nommé au poste de Premier ministre l'un de ses adversaires de toujours, Abderrahmane Youssoufi. Un socialiste. Hein. Oui. Ouais. Et après le décès de Hassan II, son successeur, Mohamed VI, garde près de lui ce Premier ministre. Et avec l'intronisation de ce jeune roi, on a l'impression d'assister à une sorte de printemps marocain. Hein. Oui, mais un journal révèle un document qui prouve que Youssoufi était impliqué dans le complot ourdi par Oufkir. Donc, Mohamed VI gouverne avec un homme qui a voulu assassiner son père. Et c'en est bientôt fini du printemps marocain. Le nouveau roi, en dépit de ses promesses, rétablit la censure. Et sans retomber dans tous les travers de son père, il accentuera le côté autoritaire de son pouvoir, en jouant, comme feu Hassan II, sur le caractère sacré de sa personne. Et il faut reconnaître que début des années 2010, alors que de vrais printemps arabes allaient bouleverser plusieurs pays, Mohamed VI a su agir habilement et éviter au Maroc de plonger dans le désordre. Mais avant d'en terminer pour aujourd'hui, je voudrais revenir sur un autre événement, quitte à revenir un peu en arrière. Ah, de quoi voulez-vous parler, là ? De la mort d'Ahmed Glimi. Ah oui, l'homme qui a succédé à Oufkir. Hein. Et qui l'a peut-être assassiné. En janvier 1983, Glimi trouve la mort sur une petite route de la Palmeraie de Marrakech. Un camion-citerne fou a heurté de plein fouet sa voiture qui s'est aussitôt embrasée. Mais un accident douteux. Ah, très douteux, oui. C'est ce que se sont dit immédiatement les meilleurs connaisseurs du Maroc. Glimi était-il aussi un comploteur, comme son mentor et rival Oufkir ? Les rumeurs, toutes invérifiables, n'ont pas tardé à courir. Glimi aurait été à la tête d'un nouveau groupe d'officiers conspirateurs. Un putsch était en préparation avant le 23 juillet, jour où d'importantes mutations à la tête des forces armées royales allaient être annoncées. Le complot de Glimi aurait été dévoilé au monarque par les services américains. Hassan II se serait alors opportunément souvenu de l'incident de l'embarquement à bord du Boeing. Ah oui, quand Glimi ne voulait pas monter à bord. Alors, était-ce parce qu'il savait que l'avion royal allait être attaqué ? Et lorsque Oufkir, après l'échec de son complot, est venu mendier le pardon du roi si Glimi l'a tué, n'était-ce pas aussi pour l'empêcher de parler ? Oui, mais ce ne sont que des suppositions. D'accord. Mais alors pourquoi Hassan II n'a-t-il pas assisté aux obsèques de ce grand serviteur du trône ? Cette émission a été réalisée comme d'habitude par Michel Biou, mise en musique comme d'habitude par Monsieur Djoub et préparée par Rebecca Denand qui, comme d'habitude, a lu un ouvrage pour nous. Mohamed VI, derrière les masques, une biographie critique et rigoureuse de ce souverain qui a suscité un immense espoir après le règne féodal de son père, mais un espoir largement déçu. L'auteur, c'est Omar Brooksy, ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire marocain Le Journal. C'est lui qui a révélé en novembre 2000 l'entente contre nature entre Mohamed Oufkir et l'opposition en 1972. Un scoop qui provoqua un véritable séisme politique et médiatique dans le royaume. L'hebdomadaire en payera d'ailleurs le prix fort. Insidieusement étouffé par le pouvoir, il disparaît définitivement en 2010. Le livre de Brooksy est paru récemment chez Nouveau Monde Éditions avec une préface du grand écrivain Gilles Perrault. Des références sur ce livre et d'autres que nous avons cités sur franceinter.fr à samedi prochain. Et tout de suite, après le flash CO2 Mon Amour de Denis Chessou. Merci Patrick Pénaud. Notez bien que vous pourrez retrouver Patrick Pénaud cet après-midi en direct au Salon du Livre à Dourdan pour la signature de ses ouvrages.